Les meilleures nouveautés rock sont sur Oui FM. Royal Blood, Pull Me Through. Royal Blood sur Oui FM, extrait de leur dernier album, c'était Pull Me Through. Et je suis un petit peu déçue là, j'ai un petit peu checké les dates de concert de Royal Blood et pour le moment, il n'y a pas grand chose d'annoncé par chez nous, ce qui est bien tristoun. Bon, après, si vous avez envie de voyager un petit peu, ils font quelques dates en octobre du côté de Manchester, de Édimbourg ou encore Londres, Liverpool. Ça peut être une idée de week-end plutôt sympathique. Et justement, tiens, je vous parle de la Grande-Bretagne. Lui, pour le coup, il va nous faire des concerts de dingue. C'est Liam Gallagher qui a décidé de célébrer sans son frère Noël, hein, toujours les 30 ans de l'album Definitely Maybe, donc de Oasis, hein, un album culte hein, qui était sorti en 94, sur lequel on retrouve notamment les singles Supersonic, les Forever Cigarette and Alcohol. Enfin bref, c'est quand même un pilier dans la discographie de Oasis. Du coup, bah voilà, 30 ans qui vont se fêter avec une série de concerts de Liam Gallagher. Je suis tombée sur la vidéo promo là ce matin en me réveillant, en traînant sur YouTube, et je vous cache pas que j'ai regardé mon copain, j'ai fait Eric, ça te dit pas qu'on aille se faire un petit tour en Grande-Bretagne en mois de juin? Il me fait bah pourquoi? J'ai un petit concert de Liam Gallagher. Il m'a fait ah bah ouais, chaud. Bon, du coup, il va falloir qu'on se batte puisque les places seront mises en vente ce vendredi dès 10h. Donc bah, je pense que ça va partir à une vitesse folle. Les dates sont annoncées donc au mois de juin avec donc, des concerts à Sheffield, à Cardiff, à Londres, à Manchester, je me dis ça pourrait être pas mal, Glasgow, Dublin, donc voilà, si vous avez envie de vous faire un petit kiff, je pense que c'est le moment, et si vous êtes fan d'Oasis, je pense que ça va être le concert à ne pas rater, franchement, j'ai trop hâte, franchement, allez, je vous tiendrai au courant vendredi si j'ai réussi à choper les billets ou pas, alors voilà, on verra. Allez, on enchaîne sur Oui FM, tout en douceur, tiens, avec le Velvet Underground, Sunday Morning. dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close. Behind you, there's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want. Du rock. Didn't cry on the day she died. She couldn't stand the tears, but I could feel the cold wind blow like a ghost inside the mirror. I couldn't pray on the day he died for a man I never knew. I watched these sins on Oui FM. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. So crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Jumped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Green Day sur Oui FM avec Working Class Hero. La Battle Rock du jour. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai décidé de faire ma sadique dans la Battle Rock du jour et de mettre en compétition, juste pour le fun, des morceaux qui nous ont fait vibrer dans les années 2000, des morceaux qui nous ont fait transpirer sur les dance floors. Vous savez quoi, quand j'ai fait cette battle, j'ai repensé au fameux Sabotage Rock Party qui était les grosses soirées rock, hein, avec Oui FM, DJ Steve, DJ Ricano, Platine. J'ai eu l'occasion aussi de mixer avec Pierre à l'époque de Bring the Noise. Voilà, et c'est vrai que dans ces folles soirées, il y avait deux morceaux qui rendaient les gens complètement fous. D'un côté, on avait ce titre. Ah,

FM. Classique. Oui, FM. I gave you something good. I thought you had it. sur Wii FM avec After All. Wii FM, la radio du rock. Il est 17h, bienvenue sur Wii FM. Aurélie toujours au programme pour votre fin d'après-midi avec, vous le savez, des cadeaux. Et cette semaine, je n'ai pas un, mais deux choses à vous offrir. Et on va commencer par le fun, le parc Astérix. C'est un petit peu un passage obligé quand on passe en région parisienne. Le parc Astérix qui, comme tous les ans, se met aux couleurs d'Halloween et a décidé de nous faire peur et de nous faire rire en même temps. Voilà, c'est un petit peu ça, le parc Astérix, avec peur sur le parc. Pour cette année, découvrez le tombeau des dieux et une nouvelle maison hantée. Oh là, je vais absolument aller faire un tour, j'adore les maisons hantées. Parce que je fais vraiment partie de ces gens qui hurlent vraiment dans les maisons hantées, j'ai vraiment peur. Sans oublier, évidemment, plein de spectacles inédits qui vont être évidemment mis au goût du jour pour Halloween. Je vous offre 4 places pour aller kiffer en famille ou avec vos copains au parc Astérix pour Halloween. Et du coup, comme vous le savez, il y a toujours la petite question. Et cette semaine, c'est une semaine où je vais vous interroger autour de l'histoire de Astérix. Et là, j'ai envie de repartir du côté des films. Et justement, tiens, dans le dernier film Astérix et Obélisk, l'Empire du Milieu, qui est sorti cette année, quel acteur joue le rôle de Astérix? Pour être honnête, je crois que c'est le pire acteur qui a pu jouer le rôle d'Astérix, en tout cas ce qui me concerne, ce n'est que mon avis. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses sur le WhatsApp de Wii FM, 06 95 33 95 33. Je vous rappelle la question du jour: dans le film Astérix et Obélisk, l'Empire du Milieu, sorti cette année, quel acteur joue le rôle de Astérix? Allez, on va continuer notre petit après-midi avec les Bengals, il y a aussi Chaka Punk et les Red Hot, tiens, Red Hot Chili Peppers avec Aeroplane. When you're sad to be, it's easy. One note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like the spike with pain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Sober, sweet and sour chain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's spike with pain. La radio du rock. Crocodiles away.

never have sex anymore. We never make love to a sore like we did so long ago. We never have emotional strife. You never even threatened my life like you did so long ago. Constantly, used to have a ball, used to do it everywhere, we never do it at all. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go. Don't you ever wonder why?

sait qu'un jour nous nous aimerons comme des fous. Damien 16, une voix qui nous aura accompagnés durant toute notre adolescence avec ce titre Jeune et Con et l'album Jours étranges. C'est vrai que c'était un disque avec Deportivo que j'écoutais énormément. Je crois que mes parents, quand ils écoutent ce morceau, ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Et dans quelques instants sur UFM, on va approcher des 18h avec Casabian, Algorithm, il y aura du Midnight Oil, Skink and Andy. Et puis tout à l'heure, j'ai la pub là qui m'a coupé la chic. J'ai pas pu vous annoncer le gagnant du jour pour le parc Astérix et c'est une gagnante et on dit félicitations du coup à Carmelina, voilà, qui remporte ces 4 places pour le parc Astérix. La réponse à la question donc à savoir quel était l'acteur qui jouait le rôle de Astérix dans Astérix Obélix l'Empire du Milieu, c'était évidemment Guillaume Canet. Voilà, donc félicitations à toi Carmelina, tu me disais en message que tu vas y aller avec ton petit loulou, voilà, donc je compte sur toi pour m'envoyer comme d'hab des petites photos, me raconter comment c'était et puis sinon pour les autres, hein, on pleure pas, on boude pas, j'aurai encore des places à vous offrir demain, voilà, c'est tout. Oh. Oui FM, la météo. Acteur studio, vous avez vu un peu? Oh là là, heureusement que je suis devenue animatrice radio. Hein. Allez, demain, quel temps fera-t-il? Et bien encore une fois, la pluie sera au rendez-vous. Après, j'ai envie de vous dire, l'automne arrive, donc cette saison. Comptez 4 départements en vigilance orange avec des fortes pluies et des inondations attendues pour la Drôme, l'Ardèche, le Gard ou encore l'Hérault. Demain, du coup, de la pluie sur les trois quarts du pays avec carrément des orages pour la région PACA. Seuls les Pyrénées seront épargnées avec un beau soleil et sinon pour le reste, ce sera donc de la pluie avec quelques éclaircies prévues sur la moitié ouest. Niveau température, comptez seulement 16 degrés à Brest, encore à Strasbourg, 19 à Paris ou encore du côté de Aurillac et 24 de maximum, ce sera pour Perpignan. Écoutez Oui FM gratuitement en qualité haute définition grâce au DAB+. Pas besoin de connexion internet ni de réseau mobile. Le DAB+ vous offre un confort d'écoute inégalé pour profiter de vos classiques rock préférés. Oui FM s'écoute en DAB+ à Lille, Lyon, Toulouse et dans plus de 30 villes partout en France. Nathalie Broussard, directrice de la communication scientifique chez Seido, nous partage la dernière innovation anti-âge. Le concentré Nuit Vital Perfection, il est issu des dernières découvertes de chez Seido sur le relâchement de la peau et aussi sur sa régénération nocturne. Et ce soin va agir pendant votre sommeil pour une peau qui va être plus raffermie et des contours redessinés. Jusqu'au 29 octobre, bénéficiez d'un coffret anti-âge d'une valeur de 50 euros offert pour 120 euros d'achat dans la marque chez Seido. Offre soumise à conditions de l'offre sur chezseido.fr et dans les magasins participants dans les limites des stocks disponibles. Chez Seido, depuis 150 ans, engagé au service de votre beauté. IKEA. Attends, t'es prêt là? Tada! Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre avec la carte gratuite IKEA Family. La housse de couette et les deux thés Bergamlock sont à 25 euros au lieu de 35. Conditions sur IKEA.fr. Mais U, peut-on trouver des produits pour bébé qui font cagnoter 20% sur la carte U? Oh là là, 20%? T'as entendu mon chéri? Maman, j'ai 14 ans. Bah et alors? Et c'est tous les mercredis. Alors rendez-vous dans votre magasin U et sur courseU.com tous les mercredis pour bénéficier de 20% en euro carte U sur le rayon bébé, soins, hygiène et alimentation. U, commerçant autrement. Offre réservée aux clients carte U pour un retrait le mercredi sur les produits d'alimentation, soins et d'hygiène bébé. Or, les premiers et deuxième âges non cumulables avec les promotions en cours. Voir conditions et liste des magasins participants sur magasin-u.com. Événement. Barclay James Harvest, groupe mythique du rock progressif, se produira le 19 novembre prochain, salle Playel à Paris. Un concert unique pour les fans et les générations futures sur leur tournée d'adieu, A Farewell to Touring. Barclay James Harvest, le 19 novembre, salle Playel à Paris. Wake up! À tous

you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Oui FM classique. meilleures nouveautés rock sont sur Oui FM. Casabian, Algorithms. We're not here for a long time, just here for a good time. This one's for the widows. One day we'll be heroes. I see you every night if I could. Suck like glue, hanging out in your neighborhood, just watching the days roll. Casabian qui nous chante une chanson sur l'intelligence artificielle, c'était Algorithm. Oui FM, la radio du rock. Il est bientôt 18h dans 40 secondes pour être précis. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur Oui FM. Je vous rappelle qu'à 18h30, on se fait une petite une sorte de spéciale Rolling Stones. Leur nouvel album Hockney Diamonds sort ce vendredi. Du coup, on fera un petit point autour de ce disque avec Dom Kiris. On va essayer d'écouter les morceaux qui nous auront plus marqué de ce nouvel album. Et entre-temps, je me suis amusée avec le programmateur de Oui FM à aller farfouiller dans les archives de Oui FM, dans les sessions live, et vous ressortir les plus belles reprises. On a eu en début de semaine My Skin, hier on a eu Eagles of Death Metal, et tout à l'heure on va réécouter une reprise de Sinclair qui a interprété Miss You. C'était en mars 2005, et ouais, mais autant vous dire qu'il s'en est passé des choses dans les studios de WFM. Du coup on va écouter ça, à suivre aussi la Battle Rock du jour, qui est toujours d'actu, avec d'un côté les Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor, et de l'autre les Strokes, Last Night. Ces deux titres sont à départager toujours sur le compte Instagram de WFM, vous allez en story. Ça prend 30 secondes et on écoutera votre morceau préféré en toute fin d'émission. Et puis sinon, on va attaquer l'heure avec The Police, les Foo Fighters et Avril Lavigne. Complicated.

FM. Classique. De Sting qui nous accompagne sur WeFM. Ça fait du bien en cette fin d'après-midi. On peut même dire début de soirée. Hein, ça y est, il commence à faire nuit. Hein, on sent le changement d'heure qui approche. Bref, je vais. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah, j'ai oublié un truc important. J'ai des places à vous offrir pour le concert de Fall Out Boy. Eh ben oui, hein, ce concert de Fall Out Boy au Zénith de Paris, il est complet, mais on a quand même réussi à vous grappiller les toutes dernières places sur WeFM. Le concert aura lieu le 23 octobre prochain, sera l'occasion de découvrir leur nouvel album et surtout écouter les petits classiques qu'on adorait quand on était ado. Enfin voilà, si vous voulez, tiens, gagner vos places pour ce concert de Fall Out Boy, je teste un petit peu voir si vous écoutez bien la piste de WeFM, surtout si vous la connaissez bien. Quels sont les trois groupes que je viens de vous diffuser? Allez, vous m'envoyez votre réponse sur le compte WhatsApp de WeFM, numéro toujours 06 95 33 95 33. On n'oublie pas de le mettre dans son petit répertoire. Quels sont les trois groupes que je viens à l'instant de vous diffuser? Oh, quand même. Bon, allez, je compte sur vous. J'attends vos réponses. En attendant, écoutez du Noël Gallagher. Il y aura The Verve, Les Silencers en nouveauté. Et puis, on va avoir droit à notre reprise des Rolling Stones signée Sinclair. A tout de suite. Le 16-20 avec Aurélie sur WeFM, la radio du rock.